second titre, poteau, l'ambiance monte. Là c'est moi j'faire, monsieur B, comme ça, du lourd mon pote, t'inquiète. Ok boy, j'ai de la merde, tu me sous ma veste en cuir. Welcome to ma sphère, c'est Casper, un mec gentil. J'ai un texte dans le jeans, ouais. Un steak dans le beat. Dans ma tête c'est le Vietnam, mais je reste tranquille. Des tapes, j'm'en fiche, j'veux de la thune moi. J'suis un star, mais j'fume pas, s'il y a de la coke dans le spliff. 2007, ok, j'ai pas de canette en vie. Et depuis le 1er avril, j'ai que les dalpes et transpire. Moi, j'suis un grand kid, j'fais confiance à son père. J'suis à la recherche de bol d'air, d'argent et de funnel. Ok, il me faut une Rolls Royce, c'est un bon taf moi. J'traîne à la jungle, j'connais pas l'air des montagnes. Ok, c'est herbe et ton cas, ok, proche et bon tac. Monsieur Bill, j'ai 20 ans, j'suis diplômé du fond de classe. Aye. Pour les sentiments, ce sera la prochaine fois, man. Dans nos poches, c'est chaud et on nous reproche d'être froid. J'avais les plans carrés, y'a eu du changement. Mes projets, c'est pas en fumée, prépare les pansements. Paris cash, crie dans le vodka et white spirit. Votre rap, c'est de la merde, donnez-moi une aspirine. J'avais les plans carrés, y'a eu du changement. Mes projets, c'est pas en fumée, prépare les pansements. Paris cash, crie dans le vodka et white spirit. Votre rap, c'est de la merde, donnez-moi une aspirine. Ok, j'tourne en rond, j'confonds semaine et week-end. Non, ma sphère, ça vend de la hanée des mixtapes. Ok, j'coule dans le mystère et j'veux nager dans le business. Il faut la villa de Beckham et les idées à Spielberg. Moi, j'évite les pistes de mer et j'encule les cartes de flics. J'enchaîne les crises de nerfs et au quart je triche. Même knockout je tisse, j'côtoie le mal de vivre. 2007 sans whisky, j'ai plus trop de barres de rire. Moi j'veux ma part de bif, j'opère en straight. Y'a des crochets en traître, j'ai un projet en tête. Ok, il faut que je retombe sur mes deux jambes. Génération fucked up, violence et perte de temps. Bref, je pense aux avions que je rêve de prendre. Servez-moi du whisky avec un zeste de chance. J'ai transformé une ligne droite en labyrinthe. Maman, j'suis pas un type 3, mais bon y'a pire. J'avais les blancs carrés, y'a eu du changement. Mes projets, c'est pas en fumée, prépare les pansements. Paris cash, tri dans le vodka et white spirit. Votre rap c'est de la merde, donnez-moi une aspirine. Quel rap de merde, bordel. Les mecs, appliquez-vous, bordel. Vous voulez clasher monsieur Bill, bordel. Mais t'es malade ou quoi?